laissé sans amour. La vie m'a joué encore un tour. Tout recommence comme autrefois. Le vide immense des jours sans ta voix et des matins sans toi. Maison vide où mon chagrin ne dort jamais, c'est l'ennui que je vois dans toutes les glaces. Toi tu n'es plus là, jamais plus là, jamais tout près, c'est toujours l'ennui que je trouve à ta place. Sans amour, tu m'as laissé sans amour. La vie m'a joué mauvais tout recommence comme autrefois. Le vide immense des jours sans ta voix et des matins sans toi. Pourtant c'était si bon. D'user mes mains dans tes cheveux de blond. Oh, pourtant c'était si bon de m'endormir en répétant ton nom. Tous les jours j'attends mon roman d'amour. Mais le bonheur fait un détour. Attendre jamais mon tour. Toujours descendre vers les tristes jours où je vais sans amour. Sans amour. Sans amour.